nostalgie. Et il est l'heure, grand temps d'ailleurs, de parler des dédicaces. À partir de maintenant, le standard est ouvert. 0892 68 05 05. Vous nous laissez tous vos messages et tout à l'heure, à partir de 22h, vous entendrez vos dédicaces plus les chansons que vous leur associez. Vous pouvez également nous envoyer tous vos SMS. Pour cela, vous tapez les trois lettres clés DED. Vous inscrivez votre message plus votre numéro de téléphone. C'est important pour que nous puissions vous rappeler. Et vous nous envoyez le tout au 61 3 4 5. Très bonne soirée. Sur Nostalgie, quelle heure est-il? Tout simple, il est 20h. Légende française sur Nostalgie. Shining me.

étiez venu au rendez-vous. Qu'importe, c'est propre d'en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe, c'est propre d'en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour. Nostalgie, nostalgie. Blanche brebis, quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Allez encore une fois, Joe. Allez encore. Stop, merci. Siffler sur la colline dans le 100% légende française. Sur Nostalgie, vous pouvez venir siffler tous les matins et vous risquerez de repartir les bras chargés de cadeaux et des kits de plage Nostalgie avec la serviette, avec le jeu de cartes à jouer, le frisbee, le ballon gonflable et un magnifique, oui, une magnifique glacière radio. Demain matin. Nostalgie, partenaire de la Française des Jeux. Partez en vacances avec la chance jusqu'au 15 août du Touquet à Nice. L'été Française des Jeux, c'est des tournois de foot et de volley sur la plage. Des jeux, des cadeaux par milliers et tous les soirs, le grand quiz Success Légende Nostalgie. Les voix de la chance, un tremplin de nouveaux talents suivi d'un grand spectacle gratuit, le rêve fantastique. L'été Française des Jeux avec Citroën et Nostalgie. Loto. 125, 126, 127. 127, 127, il manque encore une paire de chaussures, mais où sont mes tongs? Je les ai sur moi. Loto, à qui le tour? Mercredi 30 juillet, super cagnotte de 4 millions d'euros. Le loto est un jeu de la Française des Jeux. Légende française sur Nostalgie. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison.

printemps. J'avais 20 ans depuis longtemps. Faire passer à la radio, c'était les vacances en deux chevaux. Et toutes les filles se prenaient pour Barbeau. C'était la télé qui s'allume pour le premier pas sur la lune. En ce temps-là, c'était le rock. Mais on changeait déjà d'époque. Et les Beatles allaient se séparer. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans éternellement. L'amour chantait sa carmagnole. En montant la rue des écoles, t'avais ta main posée sur mon épaule. Nostalgie et Pierre Bachelet avec Le Bel Âge, 20 ans, une réflexion de Georges Brassens. À 20 ans, le cœur se pose ou l'œil se pose. C'est une façon très poétique de dire qu'à 20 ans, on saute sur tout ce qui bouge. Pascal Daniel sur Nostalgie. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas. Dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro, elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau. Son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais été si blanches. Les neiges du Kilimandjaro. Les chansons d'Eddie Mitchell sont sur Nostalgie. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer.

Il ne pense qu'à toi, Nicole Croisy, dans le 100% légende française. Sur Nostalgie, nous pensons à vous. À partir de 22h, vous avez l'antenne. Elle vous appartient. Et jusqu'à minuit, 2 heures de dédicace au 0892-68-05-05 ou par SMS en tapant DED en envoyant votre message au 61-345. On vous attend sur Nostalgie. Loto. 125, 126, 127. Bah, il manque encore une paire de chaussures. Mais où sont mes tongs? Je les ai sur moi. Loto, à qui le tour? Mercredi 30 juillet, super cagnotte de 4 millions d'euros. Le loto est un jeu de la Française des Jeux. Le rendez-vous incontournable pour vous et votre immobile, c'est Allo Perso. Sur le 08 99 700 900, téléchargez des logos couleurs inédits, les sonneries polyphoniques de tous vos tubes préférés et faites-vous un mobile vraiment perso. En plus, sur Allo Perso, profitez tous les jours de nombreuses nouveautés logos et sonneries en avant-première. Rafraîchissez votre mobile. 08 99 700 900. Alloperso.com, 1, 2, 3 multimédia, 1,35€ l'appel, puis 34 centimes la minute. Écoutez un extrait du nouvel album de Gilbert Montagnier. Si tu voulais lever les yeux vers mon amour, tu serais libre, en équilibre, bébé. Si tu voulais, oh, changer nos délits en délire. Si tu voulais, fais danser ton avenir, écris le livre, oh, suffit de suivre. Ah, si tu voulais déchaîner tous tes rêves, exploser cette fièvre, t'aurais le goût de vivre, vivre, vivre. Ah, si tu voulais, un extrait du nouvel album de Gilbert Montagnier. Nostalgie présente. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Gérard Lenormand tourné dans plus de 30 villes de France. Oui, mais il parle. Retrouvez sur scène les plus grands succès de Gérard Lenormand. Je viens te chanter la balade. La tournée Impérial Show de Gérard Lenormand. Renseignements sur nostalgie.fr et au 0892-68-0505. Bonjour, c'est Serge Lama. Voici un extrait de mon nouvel album. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie. Qui dure toujours. Un jour, une vie, un jour, c'est une envie qui dure toujours. Un jour, une vie. C'était un extrait du nouvel album de Serge Lama. Cent pour cent légende française sur Nostalgie. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.

c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Nostalgie avec Yves Simon au pays des merveilles de Juliette. C'était si merveilleux qu'il lui a même offert un diabolomante, dites donc. Ah oui, mais c'est qu'il était généreux. Et ensuite, ensemble, ils ont rêvé New York. Le talentueux Yves Simon, bien sûr, tant par ses cordes que par sa plume. D'ailleurs, quelques ouvrages d'Yves Simon que je vous recommande. Le voyageur magnifique, qui a obtenu le prix des libraires en 1988. Ou encore, La dérive des sentiments, prix Médicis en 1991. Sentiment pour sentiment. J'en connais un qui va s'adresser à un grand film avec Annie Girardot. Charles Aznavour, qui viendra spécialement pour vous chanter « Mourir d'aimer » sur Nostalgie. Ça y est, enfin les vacances. Il fait beau, il fait chaud, tout est prêt pour des vacances de rêve. Tout, enfin presque. Il ne vous manque plus que Nostalgie dans vos bagages. N'oubliez pas, partout en France, Nostalgie vous accompagne. retrouvez toutes nos fréquences sur nostalgie.fr. Cet été, la légende se consomme sans modération. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Allez, papa, enfant. C'est encore loin, la mer. Oh, écoute, ça doit plus être loin. Le monsieur a dit que c'était à 5 minutes de la villa. Allez, la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. L'été, tout n'est pas garanti comme une Renault. Mais du 1er juillet au 30 août, pour 1 euro de plus, bénéficiez d'une garantie de 5 ans ou 100 000 km pour tout achat d'une Renault neuve. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Marc, où peut-on trouver du tonus et de la fraîcheur ? Facile, dans tous les restaurants Flunch. Correct, mais ne faites pas le malin. Karine, où peut-on trouver de la vitalité et des vitamines ? Chez Flunch. Correct, et vous en avez besoin. Marc, où peut-on jouer la carte du bien-être ? Chez Flunch. Bah voilà, pour une fois, vous avez tout compris. Flunch, c'est cette famille pour votre bien-être. Allez, au revoir. Poissons, grillades, plats cuisinés, fruits, boissons, glaces, légumes à volonté. Cet été, pour échapper à Laurence Boccolini, jouez la carte du bien-être chez Punch. Loto. 125, 126, 127, 127, 127. Il manque encore une paire de chaussures. Mais où sont mes tongs? Je les ai sur moi. Loto. À qui le tour? Mercredi 30 juillet, super cagnotte de 4 millions d'euros. Le loto est un jeu de la Française des Jeux. Bien sûr, il y aura toujours des Français pour réclamer un steak frites quand ils sont au Machu Picchu, ça bien sûr. Mais si vous avez un peu de curiosité, si vous aimez profiter des vacances pour partir à la découverte des bons produits des terroirs français, suivez le Grand U Rouge. Il vous mènera tout droit dans l'un de nos 800 magasins U, des magasins nés dans leur région, qui vous proposeront des produits régionaux sélectionnés auprès des meilleurs fabricants locaux. Cet été, soyez curieux, suivez le Grand U Rouge. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Le rendez-vous incontournable pour vous et votre mobile, c'est Allo Perso. Sur le 08 99 700 900, téléchargez des logos couleurs inédits, les sonneries polyphoniques de tous vos tubes préférés et faites-vous un mobile vraiment perso. En plus, sur Allo Perso, profitez tous les jours de nombreuses nouveautés logos et sonneries en avant-première. Rafraîchissez votre mobile. 08 99 700 900. AlloPerso.com, 1, 2, 3 multimédia, 1,35€ l'appel, puis 34 centimes la minute. Salut, c'est tout. Au saut du lit, à 13h-16h-16h-16, dans la matinée, je tombe sur une taupe de ma personne, dans Public, le nouveau magazine. Ça m'a déclenché l'inspiration dans ma tête, pour des paroles, pour une chanson à texte, dans le but de faire un tube. Alors je me lance. Ouais, tac, boum, ouais. Ouais, société, partage un message. Tous les lundis, la vraie vie en image des stars est dans Public. Parce que dans Public, tout est public. Prix de lancement 1,20€ chez votre marchand de journaux. Vas-y, mais qu'est-ce que tu me coupes, toi, avec ta voix, là? Leclerc. Philippe, tu déchargeras la voiture, j'ai fait quelques courses. Mais bien sûr, ma rondeur. Un peu de délicatesse pour la future mère de ton enfant. Ah, mais qu'est-ce que t'as pris avec le Coca-Cola? J'ai eu envie de Coca-Cola, je suis passée chez Leclerc, j'en ai pris pour l'année. Ah, ça se garde. Rien du tout, ça se boit. Du 23 juillet au 2 août, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 6 bouteilles de 1 litre 5 de Coca-Cola, dont une bouteille gratuite, sont à 5,90€, soit 66 centimes le litre, avec en plus 90 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Eh ben, le bébé va nous faire de beaux totos en venant au monde, tiens. Du lundi au vendredi, de 19h à 22h, Nostalgie vous offre les plus belles chansons françaises. De ma vie s'enlisse, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer,

Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime, je t'aime. Et moi j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour lui aussi s'est perdu. Je t'aime, je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, je t'aime. Marie Laforêt, Manchester et Liverpool dans le 100% légende française sur Nostalgie. Dites-moi, c'est normal cette odeur dans tout l'hôtel ? Si c'est normal ? Bah oui, évidemment, c'est vent du Nord aujourd'hui. Mais si c'était vent marin, vous le sentiriez même pas. Oui, oui, mais c'est pas normal, ça vient d'où ? C'est les algues, et c'est la nature. Dès qu'il fait chaud, ça fermente. Bon, vous verrez, dans 3-4 jours, hein, vous serez très bien habitué. Ah. Mais je vous le dis. Ah. L'été, tout n'est pas garanti comme une Renault. Mais du 1er juillet au 30 août, pour 1 euro de plus, bénéficiez d'une garantie de 5 ans ou 100 000 km pour tout achat d'une Renault neuve. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Moi, je crois que tu aimes les emmerdements, Maurice. D'un côté, t'as des pros compétents. Et bah, toi, systématiquement, tu prends les rigolos. T'es marrant, je les trouve où, tes pros ? Écoute, c'est simple, tu repères dans la rue un camion Big Mat. Tu le suis et ça t'amène direct chez des pros. Alors là-bas, il y en a partout, les pros de Big Mat et les pros du bâtiment. Ah bon ? Pro plus pro, eh bah, ça fait pro, Maurice. Et d'un coup, c'est toute ta vie qui va changer. Tu crois ? Mais puisque je te le dis, Maurice ! En ce moment, chez Big Mat, les meilleurs prix pour construire et rénover. Dans les Big Mat participant à l'opération. Loto. 125, 126, 127, 127, 127. Bah, il manque encore une paire de chaussures. Mais où sont mes tongs ? Je les ai sur moi. Loto. À qui ? Le tour. Mercredi 30 juillet, super cagnotte de 4 millions d'euros. Le loto est un jeu de la Française des Jeux. Écoutez un extrait du nouvel album de Philippe Laville. On a beau vouloir faire dans la profondeur, ça nous donne le vertige tellement de hauteur, pour nous apprendre à défier les lois de la pesanteur, il faudrait renverser la vapeur, léger, faire un monde un peu léger, comme un ballon le laisser, prendre l'air léger, les vents qu'a caresser, les la brise la qu'a monter, les qu'a monter. Qui qu'a volé, monte la brise qu'a levé, feuille pied bois qui qu'a chanté, les vents qu'a caressé, les la brise la qu'a monté. C'était un extrait du nouvel album de Philippe Laville. À partir de 22h, du lundi au vendredi, les dédicaces sont sur Nostalgie. Ce message, c'est pour Matou. Et puis pour Sol Pleureur, je vous laisse souhaiter un joyeux anniversaire et plein de gros bisous. Je voudrais la dédicacer à ma maman qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Je lui envoie plein de bisous et je voulais lui dire que c'est la plus jeune maman du monde. Les dédicaces sur Nostalgie au 0892 68 05 05 0,34€ la minute ou sur www.nostalgie.fr. Bonjour, c'est Yves Dupay, voici un extrait de mon nouvel album. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le village au virage, dans un petit bar, il y a du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans à-coups, ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi. Et dans un bruissement d'abeilles, le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi. Je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, ta main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai. C'était un extrait de mon nouvel album. Légende française. De 19h à 22h, Nostalgie vous offre les plus belles chansons françaises. Nostalgie. Nostalgie. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement d'un million d'années. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend. En été. Didi, didi, didi, didi. la guerre, on le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été, toi qui as posé les yeux sur moi.